بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى. Question. يقول السائل ما قولكم في من يقول إن الشيخ عبيد الجابر من طلبة العلم لا من العلماء ويطعن. Que dites-vous de celui qui critique le cheikh Ubayd al-Jabiri et dit à son sujet qu'il n'est qu'un étudiant en sciences et qu'il ne fait pas partie des savants. Réponse. من الإشكالات أن يسأل مثلي عن مثل الشيخ عبيد. الشيخ عبيد يسأل عني ولا أسأل عنه. الشيخ عبيد الجابري من العلماء المتفننين. وله أسلوب أبوي بديع وله أسلوب في الشرح يتفرد به مع رقة قلبه وحسن رعايته. Le fait qu'on m'interroge moi sur une personne telle que le cheikh Ubayd al-Jabiri est un vrai problème. C'est un véritable problème. Car c'est plutôt auprès du cheikh Ubayd qu'il faut se renseigner à mon sujet. C'est le contraire. Il ne convient pas qu'on me questionne moi à son sujet. Le cheikh Ubayd al-Jabiri fait partie des savants subtils, ingénieux. Il s'exprime avec un amour paternel et de façon très éloquente. Il a une façon d'expliquer les choses, une méthodologie qui est unique. Et en même temps, il fait preuve de tendresse et porte beaucoup d'attention aux autres. لقول من يقول حتى الشيخ العلامة الشيخ عبد المحسن العباد هناك من يقول دروسه تصلح للعوام هناك من يقول ناتي نقول ما رأيك في الشيخ عبد المحسن العباد جبل المدينة وأنا أقول دخل علينا الخلل يا إخوة في وقت من الأوقات لأن سمحنا للشباب أن يكثروا من الأسئلة في مثل هذا الأمر Voilà pourquoi je dis, mes frères, il ne faut pas ouvrir les portes à ce genre de questions. Et il ne faut prêter aucune attention à ce genre de propos. Il ne faut prêter aucune attention à ce genre de propos. Car même au sujet du grand savant, le cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, certains ont dit que ses cours ne convenaient qu'aux simples musulmans, les gens de la masse. Il y en a qui disent cela. Et certains osent venir et demander « Que pensez-vous du cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad ?» Alors qu'en réalité, c'est une montagne de science, la montagne de science de Médine. Aussi, je dis « Mes frères, depuis quelque temps, le vice est entré dans nos rangs car nous avons permis aux jeunes de poser fréquemment ce genre de questions. » فأصبح في فترة من الفترات شأن الشباب إذا جاء ما رأيك في فلان من المشايخ الأعلام المعروفين بالسنة الذين يعني تجاوزوا القنطرة حتى تجرأ الشباب على الشيوخ في فترة من الفترات وأصبح الشباب يحكمون على الشيوخ ولا العكس والشباب يعلمون الشيوخ ولا العكس ويغضب أحدهم إذا قال الشيخ شيئا هو يعتقد خلافه، لا يتلقى من الشيخ وإنما يريد أن يتلقى الشيخ منه. وهذا في الحقيقة كان بابا سيئا، والحمد لله أن تجاوزناه. ولا ينبغي يا إخوة أن ندخل في مثل هذه الأمور. C'est ainsi que nous sommes arrivés à une époque où les jeunes ont pris l'habitude de demander « Que pensez-vous d'un tel et d'un tel ?» alors qu'il s'agit de personnes qui font partie des grands savants, connus pour leur défense de la sunna et qui ont atteint un très haut niveau. Maintenant, les jeunes s'attaquent aux savants. Les jeunes se sont mis à juger les savants et non l'inverse. Et ce sont les jeunes qui donnent des leçons aux savants, et non l'inverse. Ils veulent enseigner aux savants, et pas le contraire. C'est le monde à l'envers. Et certains d'entre eux vont jusqu'à s'énerver quand le savant dit une parole qui contredit ce qu'il pense. Il ne va pas s'asseoir chez les savants pour apprendre, mais il voudrait que les savants viennent s'asseoir chez lui afin que ce soit lui qui leur donne la leçon. Afin que ce soit lui qui leur apprenne. Et ceci, en vérité, est une porte qui mène au mal. Et nous l'avons laissé derrière nous par la grâce d'Allah. Aussi, je conseille à mes frères de ne pas rentrer dans ces choses. Je leur conseille de ne pas s'investir dans de pareilles affaires. Ulama'una. المعروفون الذين ذكر أهل العلم الكبار أنهم من أهل العلم والبصيرة ويؤخذ عنهم ويتلقى عنهم، لا نلتفت إلى قول من يتقول عليهم شيئا. وأنا أشهد الله أن الشيخ عبيد الجابري من العلماء الذين يؤخذ عنهم ويتلقى عنهم، وهذا ليس فيه إشكال. لكني أريد يا إخوة أن نترفع عن مثل هذا، وليس كل من قال شيئا في مشايخنا ذهبنا نسأل. ما عندنا شك في مشايخنا، ما عندنا شك في علمائنا. Nous savons sont ceux qui sont connus et de qui les grands savants ont dit qu'ils font partie des gens de science, de sagacité, et parmi ceux chez qui on peut s'asseoir et de qui on prend la science. De ce fait, il ne faut pas prêter l'oreille à ceux qui les calomnient. Il ne faut pas prêter l'oreille à ceux qui les calomnient. Et je prends Allah pour témoin et je dis que le shayr Ubayd al-Jabiri fait partie des savants chez qui on s'assoit pour prendre la science, et ceci est connu et ne pose aucun problème. Par contre, mes frères, il ne faut pas que nous nous rabaissions à ce niveau. Ce n'est pas à chaque fois qu'une personne va parler sur un de nos savants qu'il faut s'interroger et commencer à douter et à les questionner un tel ou un tel. Nous ne doutons pas de nos chouyours. Nous n'avons aucun doute concernant nos savants. ياتي شخص يقول يا شيخ هل صحيح ان الشيخ ابن باز رحمه الله كان احيانا يعني يجامل في الفتوى؟ سبحان الله. لانه قال المكفرون واصحاب الاهواء الباطله ان الشيخ ابن باز يعني كان احيانا يجامل في فتواه، يجامل السلطه. ناتي نسال هذا السؤال ما يصلح. الشيخ عبيد نعرفه وتلمذنا عليه وناخذ عنه ونستفيد من دروسه. ياتي شخص في في في في في في اي مكان من الدنيا ويقول عن الشيخ عبيد ونحن اعرف به، ناتي نتشكك ونسال؟ ينبغي يا اخوه ان نتنبه لهذا يعني الامر. Parfois, il y a même des gens qui viennent te voir et te dire « Est-ce vrai que le cheikh Ibn Baz enjolivait parfois ses fatwas? Subhanallah. Pourquoi? Parce que les tekfiris et les gens égarés, les gens des passions, disaient cela. Ils disaient que le cheikh Ibn Baz, rahimahullah, enjolivait parfois ses fatwas afin de plaire au gouverneur. Ensuite, ces gens viennent et te posent cette question. Ceci ne convient pas. Concernant le cheikh Ubayd al-Jabiri, nous le connaissons et nous avons étudié auprès de lui. Ses cours nous ont été grandement bénéfiques. Ensuite, vient une personne qui sort de nulle part et dit sur cheikh Ubayd, nous sommes plus savants de son cas. Une telle personne vient et nous met le doute au sujet de cheikh Ubayd, au point qu'on aille s'interroger à son sujet. Mes frères, ceci ne convient pas. Il faut faire attention à ce genre de choses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alameen.